Chapitre 11e. Anna avait décidé de se rendre l'après-midi chez Nadine pour récupérer quelques souvenirs de son ex-mari. Elle avait surmonté ses réticences, prête à quelques compromis pour arriver à ses fins. Il n'y avait pas une minute à perdre, car elle avait appris par une voisine des Anzilouti, avec laquelle elle était restée en bons termes, qu'un homme s'était présenté comme venant d'Emmaüs, peut-être un curé en retraite. Nadine s'était débarrassée de presque tous les vêtements de son mari. L'homme était accompagné d'un gamin pour lui donner un coup de main et était reparti dans une vieille quatrelle bourrée de sacs poubelles pleins de vêtements. Si Anna n'intervenait pas tout de suite, Nadine finirait par tout mettre à la décharge. Le premier contact fut assez froid entre les deux femmes, chacune étant sur la défensive. Nadine commença par lui dire qu'elle avait tout donné, qu'il ne restait rien. « Mais ce ne sont pas les vêtements qui m'intéressent. Que voudriez-vous que j'en fasse ?» Anzi avait gardé des souvenirs de nos débuts, qui ne veulent rien dire pour vous certainement, mais auxquels je tiens beaucoup. « Si je comprends bien, vous allez fouiller toute la maison pour trouver ce que vous cherchez. »« Oh non ! À moins que vous ayez mis la maison sens dessus-dessous, tout ce que je désire emporter se trouve dans le bureau ou dans le garage. » Nadine mit les deux poings sur ses hanches et pencha la tête en signe de désaccord. « Vous avez donc déjà repéré tout ce que vous vouliez emporter ?»« On ne peut pas dire que vous soyez intéressé, non. » Ça y était, comme l'avait prévu Anna, le dialogue commençait à déraper. « Mais ce sont des babioles, des trucs qui n'ont aucune importance ni aucune valeur pour vous. Si ça se trouve, vous avez déjà tout fichu à la poubelle. Venez avec moi, vous verrez bien ce que j'emporte. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien on discutera. »« Vous permettez ?» demanda Anna en se dirigeant vers le bureau. Dès qu'elle fut entrée dans la pièce, elle eut un ah de satisfaction. « Heureusement, vous ne les avez pas achetées. » Anna désignait des plaques de tôle peintes accrochées au mur. C'étaient les enseignes des deux garages qu'avait possédé le couple. L'une d'elles représentait une voiture assez joliment peinte au-dessus de laquelle était écrit « Anzilouti Canepparo, réparation, occasion ».« Ah oui, » s'écria Nadine, « ces placards, vous pouvez les prendre, c'est affreux. Vous voyez ?» Je savais bien que ça ne vous intéressait pas. » Puis Anna prit sur le bureau un cendrier fait d'un piston de moteur retourné, soudé sur un gros roulement à billes. « Ça aussi, c'est un souvenir, vous ne pouvez pas comprendre. »« Aussi. Je comprends que nous n'avons pas tout à fait les mêmes goûts. » Anna haussa les épaules en signe de dépit. Puis elle avisa un vieux tampon qu'elle retourna pour en vérifier la gravure. « Ce tampon, qu'est-ce que j'ai pu m'en servir ?» Elle se permit d'ouvrir le grand tiroir du bureau et murmura. « Ah, j'étais sûr qu'il l'avait gardé aussi. Vous voyez, c'est le facturier des débuts. Tous ces objets racontent des tas d'histoires. Je compte d'ailleurs les partager avec Biagio, car ils ont autant de valeur pour lui. Regardez, il y a même encore la feuille de carbone à l'intérieur. « Bon, vous avez fini, » marmonna Nadine, impatientée. « Pour le bureau, oui. Je voudrais aller maintenant dans le garage, si vous permettez. Vous n'allez pas prendre la voiture tout de même, oh non ?» Quand vous verrez ce que je veux prendre, c'est tout juste si vous ne me donnerez pas de l'argent pour que je l'emporte. » En fait, Anna ne se rendit pas dans le garage, mais dans un appentis attenant dans lequel Anzi entreposait son bazar. Anna farfouilla pendant un moment. Finalement, sous un établi, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. Il s'agissait d'une vieille boîte à outils en fer dont la couleur était passée. Elle l'ouvrit religieusement en poussant un soupir attendri, comme s'il y avait eu un trésor à l'intérieur. Ça, c'est sa première boîte à outils. Il ne s'en est jamais séparé. Ah oui, vraiment, c'est un objet rare, dit ironiquement Nadine. Eh bien voilà, j'ai fini. Vous voyez, il n'y avait pas de quoi en faire un plat. Anna avait ouvert le coffre de sa voiture et y rangea les objets qu'elle avait pris. Puis elle se ravisa et demanda à Nadine. Dites-moi, le curé qui est venu, là, vous avez ses coordonnées? J'ai tout un tas de vieux trucs qui pourraient l'intéresser. « Oh, mais ne vous attendez pas à faire des affaires. Il n'achète rien, il faut tout lui donner. » »« Mais c'est bien comme ça que je l'entendais. Si seulement ça peut m'éviter d'aller les porter à la décharge, ce n'est déjà pas si mal. »« Non, malheureusement, Anna, je ne sais pas comment ce type est parvenu chez moi. Je n'ai pas téléphoné à Emmaüs. Le flair, peut-être. Allez savoir. » »« En tout cas, il avait avec lui un petit négro bien dégourdi. Hein ? Vous dites encore négro. Vous datez, ma chère. » « Vous aviez raison tout à l'heure, nous n'avons pas les mêmes valeurs. » De retour chez elle, au volant de son cabriolet, Anna était très satisfaite d'elle-même. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait sans trop de casse. Elle partagerait ses trésors avec Biagio, qui était tout aussi attaché. En pensant à lui, elle se promit de lui demander qui était cet homme qu'elle avait vu sortir de chez lui. Un vieux, marchant, les mains derrière le dos, comme un philosophe ou un curé. Puis sa pensée revint à Nadine. Décidément, elle était spéciale. On ne pouvait dire quels étaient ses défauts et ses qualités, tellement elle apparaissait insipide. Oh, certes, elle était jolie, mais lisse, sans un éclat dans l'œil, et seule la colère l'animait un peu. « Ah !» se dit Anna, « si j'avais eu son physique, rien ne m'aurait résisté ni en affaires ni en amour. J'aurais possédé la terre entière, tandis qu'elle, on dirait une poule qui a trouvé un couteau. Elle va, elle vient. Je ne vois vraiment pas ce qu'a pu lui trouver Aldo. » Elle avait une petite propriété entre Puy-Ricard et Coutron, au-dessus d'Aix. Pour s'y rendre, elle emprunta, comme d'habitude, un chemin goudronné bordé par une boîte de pins. La petite route était si étroite qu'on l'avait mise en sens unique. Soudain, de sa droite jaillit du bois une grosse boule noire, un animal peut-être, qui traversa le chemin comme un éclair. Surprise, elle pila net. Vu sa faible vitesse, son véhicule s'immobilisa immédiatement. Aussitôt, du côté gauche surgit une ombre, la vitre vola en éclats, et une main gantée lui braqua un revolver sur le front. Dans un dernier réflexe, elle eut le temps d'agripper cette main et d'y planter ses ongles, mais c'était bien la dernière chose qu'elle fit. Elle n'était pas assez forte pour dévier le coup. Le projectile traversa de part en part son crâne, l'appui-tête et alla se loger dans le siège arrière. Juste une ou deux minutes plus tard, une voiture arriva et fut bloquée par celle d'Anna. Le conducteur appela directement le commissariat, comprenant bien que tout secours était inutile. À la fin de cette même après-midi, Nadine eut de nouveau la visite du curé en retraite. Cette fois, il était intéressé par le bric-à-brac à côté du garage. Pendant qu'il farfouillait dans le Ohio d'Anzilouti, son petit aide vaquait à ses occupations. Dans le bureau du patron, chacun s'installa comme il le put. Volpi n'aimait pas utiliser la salle de réunion qu'il trouvait impersonnelle et sans chaleur. Dans son bureau, c'est un peu comme s'il avait reçu ses subordonnés chez lui. Il s'y sentait bien et conseilla à chacun de prendre ses aises. La seule chose qu'il ne tolérait pas était la cigarette, formellement interdite. « Alors, Pérez, quoi de nouveau ?» Le capitaine lui rappela les résultats de l'analyse de l'arme de Canéparo et lui relata la perquisition en règle qui venait d'avoir lieu à son domicile. On attendait d'une minute à l'autre les résultats des prélèvements. Sous le regard glacé de Jejiga, le capitaine insista sur le fait que les empreintes retrouvées sur l'arme ne signifiaient pas forcément que Canéparo fût le meurtrier. Certes, son alibi n'était pas en béton, mais les mobiles qui auraient pu le pousser à tuer Anzilouti étaient quasiment inexistants. Vous n'avez pas suffisamment avancé dans l'enquête pour en être absolument certaine, reprit Volpi. On sait finalement peu de choses de ces deux Italiens. À en croire les témoignages, c'étaient des hommes qui avaient moins d'histoire que n'importe lequel d'entre nous. J'ai de la peine à l'avaler. C'est vrai, reconnut Pérez, mais tous les témoignages concordent. Il n'y en a aucun contradictoire. Au fait, est-ce que vous avez réussi à prendre quelque chose de Canéparo hier soir ? Pérez eut l'impression de recevoir un coup dans le plexus qui lui bloqua la respiration. Toute l'équipe fit silence, des regards lourds de sang s'échangèrent. Personne n'appréciait les collègues qui jouaient perso. « Allez, allongez-vous, Pérez !» Je connaissais ce Canéparo avant cette affaire. Nous avons été présentés une fois au golf. Ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de bavarder dans sa langue maternelle. Il m'a fait l'effet d'un type intelligent, travailleur, et qui a su rester simple malgré sa fortune. Un type sain, propre. C'est vrai qu'à première vue, il n'a pas le profil d'un assassin, mais... Pérez reprit ses esprits et voulut en savoir plus. « Pourquoi étiez-vous là, justement hier soir ?» Volpi se rembrunit un peu, car habituellement c'était lui qui posait les questions. Mais il répondit quand même. Tout simplement parce que le patron du resto nous avait invités un soir de semaine pour être plus tranquille. Il participe à une campagne de tourisme gastronomique lancée par la communauté d'agglomération et c'est mon épouse qui chapeaute l'opération. « Ah !» fit Pérez en hochant la tête, avec l'air de penser « Prends-moi pour une bille. » « Vous n'avez pas l'air convaincu, Pérez. Pourtant, le hasard est grand et le monde est petit. Mais revenons à votre soirée. Qu'avez-vous appris de ce Canéparo si attachant ?» Ils me racontaient l'histoire de leur début. Même aujourd'hui, ils forment avec Anna une équipe très soudée, dont Nadine a été exclue. Il compte se retirer de la direction de l'entreprise. Il ne comprend pas pourquoi Anzilouti a été assassiné. Pour le reste, nous avons parlé de loisirs, de voyages, enfin, les sujets habituels quand on ne sait plus trop quoi se dire. C'est un type simple, vous avez raison, sans histoire. Ouais. Et si son histoire commence en 1962, comme celle d'Anzilouti, elle est encore plus succincte. Canavese, vous avez quelque chose de nouveau de la province de Naples? Non, commissaire, toujours rien. Mon collègue Russo espère avoir plus de chance avec les photos. Tant qu'à faire, dit Pérez, il serait bon que Canavese se renseigne aussi sur Caniparo. Vous savez d'où il est originaire? Oui, il m'a dit venir d'Afragola. C'est aussi une petite ville dans la province de Naples, voisine de celle d'Anzilouti. Alors, il se connaissait déjà en Italie? Demanda Volpi. Ben, apparemment non, patron. Caniparo dit qu'ils ont fait connaissance dans le train qui les amenait de Gênes et Anna, qui les a connus très tôt, n'a pas contredit ce fait. Après tout, c'est plausible. Jedjiga, après s'être massé les tempes avec application, demanda la parole. Patron, est-ce qu'on peut revenir sur le problème des empreintes? Allez-y, lieutenant, on vous écoute. Le capitaine semble partir du principe que ces empreintes ne signifient rien quant à la culpabilité de Caniparo. Moi, je pense qu'on pourrait partir de l'hypothèse inverse, en toute logique. Volpi se cala dans le fauteuil et tira ses bras comme pour mieux irriguer son cerveau. « Je vois où vous voulez en venir, Moussaoui, et je ne suis pas loin de partager votre opinion. Faisons d'abord dans la simplicité. » Devant la légère réaction de Pérez, Volpi sentit qu'il fallait donner une explication. « Écoutez, capitaine, ce type est peut-être beaucoup plus intelligent que ce qu'on ne le croit. » Pensant qu'on allait trouver trop évidente de telles preuves, compte tenu que nous sommes dans le cirage quant au mobile du crime, il a sciemment laissé ses empreintes pour que tout l'accuse. Il n'a pas caché son arme alors qu'il aurait pu nous enfumer comme il voulait. Il a joué l'innocent, le surpris, l'agressé, mais qui sait? C'est peut-être bel et bien lui, notre assassin. Oui, évidemment, dit Pérez. Mais on va peut-être trouver autre chose. Si c'était vraiment lui, croyez-vous qu'il aurait eu besoin de régler son arme? Il doit la connaître, non? Pas forcément s'il ne s'en sert que rarement. Pérez désirait enfoncer son clou et amener les autres à son raisonnement en contrecarrant ainsi Jedjiga. Pourquoi aurait-il monté tout ce cinéma alors qu'il pouvait tuer Anzilouti beaucoup plus discrètement? Faire croire à un accident, je ne sais pas, moi. Nous non plus, Pérez. Vous savez, les mobiles les plus courants de crimes sont la folie, la vengeance, l'argent et la passion amoureuse. D'après ce que vous dites, vous n'avez fait référence qu'au mobile de l'argent, qui, il est vrai, est peu crédible. Mais il reste la folie, la vengeance, l'amour. Qui sait? Peut-être qu'Anzilouti a soufflé Nadine à Caniparo. Et il aurait attendu tout ce temps pour se venger. La vengeance est un plat. Oui, je sais, patron, je connais mes classiques. Soudain, Saint-Esprit la parole. Moi, je suis pragmatique, positiviste et je crois en la science. L'arme de Caniparo n'a pas tout dit. Pas plus que son armoire et que toute la baraque. Nos collègues de la scientifique font des merveilles. Attendons au moins leur rapport, au lieu de fantasmer tous azimuts. Bien vu, lieutenant Saint-Esprit, même à mon âge, j'adore recevoir des leçons, dit Volpi en plaisantant. Bien, continua-t-il. Nous allons en référer au procureur et nous verrons ce qu'il décide. En attendant, convoquer Caniparo. Nous l'entendrons en tant que témoin. À ce moment, un brigadier passa sa tête dans l'entrebâillement de la porte après avoir frappé discrètement. « Excusez, patron, on vient de découvrir l'ex-madame Anzilouti, une balle dans la tête au volant de sa voiture. Allez hop, encore un macabé. Vous voyez ce qui se passe quand on n'élucide pas les affaires assez vite ?» s'exclama Volpi. « Zou, en piste, ne négligez rien, » dit-il en s'adressant à toute l'équipe. « Je préviens le légiste. » Tout le monde se leva précipitamment et prit la porte. Volpi retint Jedjiga par le bras. Non, vous, Moussaoui, vous restez. Il me faut quelqu'un pour étudier le rapport d'analyse dès qu'il arrivera. Jedjiga baissa la tête comme une enfant punie. Il faut que vous leviez un peu le pied. Je sais que vous avez des ennuis de santé assez graves. Restez tranquillement ici et détendez-vous, à moins que vous ne préfériez rentrer chez vous. Plutôt crever, répondit-elle têtue. Qui vous a dit que j'étais malade? Vous le savez très bien. Pérez a beaucoup d'affection pour vous. Elle est très inquiète, et c'est pourquoi elle a préféré m'en parler. Elle a bien fait. Moi, je dois savoir ce que mes gars ont dans la tête. Enfin, dans le cœur, plutôt. » se ravisa-t-il en pensant à la tumeur du lieutenant. « J'ai bien vu que ça n'allait pas entre vous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y a que je n'étais pas d'accord qu'elle accepte l'invitation de Canéparo. Surtout sans en parler à personne. On n'agit pas en marge de l'enquête, comme ça. On dirait qu'on lui a mis le feu au cul. Canéparo en est raide dingue. Vous êtes jalouse. Vous plaisantez. On ne mélange pas la fesse et le boulot. » « D'accord, mais ça n'a pas été bien loin pour l'instant. Canéparo ne l'a même pas accompagné à sa voiture. D'un autre côté, c'est vrai qu'elle aimerait bien qu'on lève le doute au sujet de son italien. Ah, vous voyez bien. Écoutez, Moussaoui, vous avez d'autres chats à fouetter, non? Alors laissez-moi juger de la relation de Pérez avec Canéparo. Calmez-vous et faites la paix. » « Ouais, mais c'est qu'elle est persuadée que c'est moi qui vous ai balancé l'info du rendez-vous. » « C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Mais ne vous inquiétez pas. J'aurai un entretien avec elle. Allez, je file. » Tout en conduisant, Volpi réfléchit à l'entretien qu'il venait d'avoir. Il n'avait certes pas l'habitude de travailler avec des femmes. Il s'apercevait que leur relation était délicate, pas au sens épineux, difficile du terme, mais avec une connotation de fragilité comme peut l'être un objet précieux. Les sentiments étaient cachés mais bien présents, et il fallait falloir qu'il apprenne au feeling à manipuler avec douceur et précaution ces nouveaux éléments de la brigade tout en affermissant son autorité.